Chapitre 7e. Dans quelles conditions Vif-Argent revint à Paris. Ce qui s'était passé, les charbonniers l'avaient à peu près expliqué. « Si nous continuons à fuir, avait dit Jean à Julien, ou bien nous serons acculés dans un des villages voisins, ou bien nous nous égarerons dans la forêt. Dans ce dernier cas, nous ne serons certainement pas pris. Mais comment rentrerons-nous dans Paris, puisque nous avons abandonné nos chevaux sur le bord de la route, où nous ne les retrouverons probablement pas ?»« Sans doute, » fit le comte. « Mieux vaudrait dépister les recherches et nous ménager une retraite, mais de quelle façon ?» Il venait d'atteindre la clairière et d'apercevoir les deux charbonniers qui bâillaient nonchalamment aux corneilles. « Voilà notre affaire !» s'écria Jean. Il s'approcha d'eux, leur proposa de changer d'habit et tira de sa ceinture un rouleau d'or qui l'éventra sous leurs yeux. Ah, les pauvres diables ne furent pas longs à se décider en présence d'une pareille aubaine. En un instant, dans la hutte qu'ils s'étaient construite, s'opéra la transformation. Jean et Julien se mettèrent d'eau le visage, les jambes et les mains, et puisant à pleine brassée dans la poussière de charbon, se firent en un clin d'œil plus noir que les charbonniers eux-mêmes. 10 minutes après, parurent au loin les soldats que conduisait Barberousse. « Quel dommage de ne pouvoir loger une balle dans la tête de cet animal-là » s'écria le comte. « J'en ai plus envie que toi, mais ce n'est pas le moment, » fit observer Jean. « Couche-toi là, à côté de moi, feignant de dormir à point fermé, et si l'on vient nous déranger, laisse-moi faire. » Julien se soumit avec dépit. Ce fut en effet Jean qui répondit aux questions qui lui furent adressées, tellement méconnaissables, patoisant avec tant de naturel, que Barberousse n'eut pas même l'ombre d'un soupçon. Dès que l'aventurier et les soldats se furent lancés sur la piste qu'il leur avait indiquée, Jean et Julien rentrèrent dans la hutte, se lavèrent à grande eau, chaussèrent leurs bottes qu'ils avaient dissimulées sous le lit de fougère et se dirigèrent en courant vers la route. Au moment où Barberousse s'emparait enfin de ceux qu'il poursuivait, nos deux amis atteignaient l'endroit où les soldats avaient attaché leurs chevaux. « Parbleu, voilà qui est admirable !» s'écria le comte. « Nous n'aurons que l'embarras du choix. »« Et nous choisirons les meilleurs !» ajouta Jean. Ils ne se trompèrent pas. Ce fut sur les montures du capitaine et de l'aventurier que leurs regards s'arrêtèrent. Les manteaux étaient roulés en travers de la selle. Ils s'en enveloppèrent pour cacher les haillons dont ils étaient couverts, détachèrent les chevaux, les enfourchèrent et se lancèrent à fond de train sur la route de Paris. Ils en avaient franchi les barrières à l'heure même où l'officier et Barberousse, tout déconfits de leur infructueuse expédition, gagnaient à leur tour l'endroit où ils avaient laissé leurs chevaux et s'apercevaient que leur monture avait disparu. Tandis que le capitaine riait philosophiquement du tour que Vif-Argent leur avait joué et trouvait que c'était de bonne guerre, l'aventurier jurait, sacrait, levait vers le ciel son poing crispé. « Ah, le misérable me paiera !» hurlait-il, les traits décomposés. Tant bien que mal ont pourvu à cet accident. Chevaux et cavaliers revinrent à Paris, où Barberousse, encore ivre de colère, s'empressa d'aller raconter à Dubois comment, par la résistance de Mademoiselle d'Orléans et le mauvais vouloir du capitaine, son expédition avait avorté. Mademoiselle d'Orléans? Qu'est-ce que cela signifie? Demanda le premier ministre qui bondit sur son siège. Il fit alors entrer l'aventurier dans les plus grands détails sur sa visite à Chelles et l'entretien qu'il avait eu avec la princesse. À mesure que parlait Barberousse, les sourcils de Dubois se contractaient. Son visage se couvrait d'une expression d'inquiétude et de fureur. « On n'est vraiment ni plus bête ni plus maladroit que tu ne l'as été » s'écria-t-il enfin. « Comment ? Triple brute, tu me mets en guerre ouverte avec la propre fille du régent ? Il a joliment bien fait de ne pas obéir, ton capitaine. S'il avait emporté le couvent d'assaut, il m'aurait mis dans de jolis draps. Et il faudra que je te paye. » Pour avoir commis une pareille sottise, c'est trop fort. Allons, dis-moi vite combien je te dois, et va-t'en, imbécile. C'est 2000 livres, monseigneur, balbutia l'aventurier stupéfait. Les voici, dit Dubois en lui jetant 2 rouleaux d'or. J'ajouterai un bon conseil. Si tu tiens ta peau, tâche de ne pas trop te montrer, tant que le bruit de cette vilaine affaire ne sera pas étouffé. Barberousse s'éloigna, mais loin de le calmer, cette verte semonce redoubla le courroux auquel il était en proie. Il avait perdu la faveur du premier ministre, c'était clair. Il serait désavoué par lui, ce n'était pas douteux. Qui sait même s'il ne serait pas poursuivi, dans le cas où le régent voudrait faire justice du coupable. De cette disgrâce, des conséquences qu'elle pouvait entraîner, Quel était l'auteur? C'était ce morveux de Vif-Argent, qui avait déconcerté tous ses plans, qu'il avait battu sur toutes les coutures, et s'était moqué de lui avec une impudence effrontée. « C'est bien. Je m'en vais, » murmurait Barberousse. « Mais j'ai toujours sur moi l'ordre d'arrestation de ce petit drôle. Tôt ou tard, je lui ferai payer cher le plaisir de m'avoir berné. » Quant à Dubois, il était resté très préoccupé. Cette affaire serait-elle étouffée? Aurait-elle des suites? Il l'ignorait. Mais il connaissait assez Philippe d'Orléans pour savoir que celui-ci ne pardonnerait pas sans rugir l'injure que l'on avait faite à sa fille. Le scandale, en effet, ne tarda pas à s'ébruiter. Pour dégager sa responsabilité, le capitaine qui commandait l'escorte, encore gris de poussière, courut soumettre à son colonel la conduite qu'il avait tenue. Non seulement son colonel l'approuva, mais il alla sur le champ se plaindre amèrement au ministre de la singulière besogne à laquelle on employait ses officiers et ses soldats. À 10 heures, en plein conseil, le ministre en référait au régent et s'élevait avec indignation contre l'abus de pouvoir que Dubois s'était permis. Le cardinal, déjà fort gravement malade, n'assistait pas au conseil. Philippe d'Orléans ne pouvait donc pas lui demander des explications immédiates. Aussi résolut-il de partir pour Chelles à l'instant, afin d'avoir le fin mot de cette incompréhensible énigme. À midi, il arrivait au couvent où sa fille, en présence de la baronne de Coissy, dont elle invoqua le témoignage, lui exposa les faits dans toute leur crudité et réclama prompte et bonne justice de la violence qu'on avait voulu lui faire. En dépit de ses innombrables défauts, Philippe d'Orléans était la loyauté même. « Madame, » dit-il à la baronne, « vous pouvez sans crainte rentrer à Paris aujourd'hui même. Je vous donne ma parole de gentilhomme que vous serez dans votre hôtel aussi sûrement que dans ma propre maison, à l'abri de toute nouvelle tentative. » Puis, la congédiant avec une grâce exquise, car il était, quand il le voulait, l'élégance et la distinction même, il se tourna vers sa fille. « Maintenant fais-moi servir à dîner, » lui dit-il. « Je meurs de faim. »« Cela tombe à merveille, » répondit la princesse. « J'allais mettre à table quand on m'a annoncé votre visite. » Adélaïde d'Orléans était, on le sait, celle de toutes ces filles pour qui Philippe avait le plus d'affection et avec qui il s'abandonnait le plus volontiers aux douceurs de l'intimité. Le repas fut donc cordial et gai, bien que la princesse le plaisantât en termes un peu vifs de s'être coiffée d'un misérable tel que Dubois. « Oui, accorda Philippe, je sais bien qu'il ne vaut pas grand-chose, qu'il est pétri de vices, qu'il ne jouit d'aucune considération, mais tu ne lui refuseras pas d'être intelligent et d'avoir pour l'expédition des affaires une inconcevable activité. » « Oh, rassurez-vous, » fit la princesse avec une sanglante ironie, « je n'ignore pas plus que les autres de quelle nature sont les services que ce pourvoyeur vous a rendus et est encore prêt à vous rendre. Je ne vous demande pas de le renvoyer, ce serait au-dessus de vos forces. Ce que je réclame de vous, pour votre dignité plus encore que pour la mienne, c'est de vous faire respecter par ce faquin et de lui si bien mesurer la distance qui le sépare d'une altesse royale qu'il ne s'avise plus de l'oublier. » « Quant à cela, sois tranquille, » promit le régent. « Si je suis venu à Chelles, c'est que j'ai jugé, tu le penses bien, que la chose en valait la peine. » À ces mots, il se leva, embrassa tendrement sa fille, remonta dans son carrosse et se fit conduire chez Dubois. « J'arrive de Chelles, » commença-t-il brusquement. « C'est te dire que je suis au courant de ce qui s'y est passé dans la matinée. » « Je jure à votre Altesse, » protesta Dubois, « que je ne suis pour rien. » dans cette affaire, que je n'avais donné au maladroit qui a commis cette violence aucune instruction contre Mademoiselle d'Orléans, et que j'ignorais même qu'il se rendit au couvent pour y exécuter le mandat dont je l'avais chargé. « Si je ne le croyais pas, morbleu !» s'écria Philippe, « je t'aurais déjà coupé les oreilles. Il ferait beau voir en vérité qu'un drôle tel que toi osa s'attaquer à ma famille. « Votre Altesse sait bien que j'en suis incapable, » fit mielleusement Dubois. « D'ailleurs, j'ai déjà devancé sa justice en chassant de chez moi, ce matin même, le misérable qui s'est permis cette incartade. »« Ce qui signifie qu'il est en sûreté, » dit le régent, « soit, mais s'il a le malheur de reparaître, c'est aux galères qu'il ira méditer sur ses excès de zèle, tu peux l'en prévenir. »« J'affirme à votre Altesse que je ne sais pas ce qu'il est devenu. »« Quant à toi, » poursuit Philippe, d'un ton d'écrasante autorité, « souviens-toi bien de ce que je vais te dire. » Dubois dressa l'oreille. « J'ai engagé la baronne de Coissy à revenir aujourd'hui même à Paris avec ses filles. continua le régent. Et je lui ai donné ma parole de gentilhomme, qu'elle n'y serait pas inquiétée, ajouta-t-il en soulignant ses dernières paroles. Tu m'as entendu ? Oui, monseigneur, fit humblement Dubois. Alors souviens-toi bien que c'est de mon honneur qu'il s'agit, et cette fois prends garde d'y toucher sans cela. Il n'acheva point sa phrase, mais releva la tête d'un air menaçant et s'éloigna. Dubois avait compris. Si pénible que lui fût le sacrifice, il s'y résigna, sachant bien que persister dans sa folle entreprise serait actuellement la seule chose que Philippe ne lui pardonnerait pas. Pendant ce temps, Julien et Jean, dès leur arrivée à Paris, s'étaient séparés sans savoir où ni quand ils se reverraient. En effet, Vif-Argent ne pouvait pas deviner la tournure que prendraient les événements et ne se souciait pas d'aller grossir la Bastille le nombre des malheureux qui y étaient ensevelis. Un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui. Avant tout, il importait de ne pas se laisser prendre. Jean se rendit immédiatement chez son père, à qui il raconta les événements auxquels il avait été mêlé et ne lui cacha rien des résultats déplorables dont cette campagne menaçait sa liberté. « Car, poursuivit-il en terminant son récit, vous sentez bien, mon père, que Barberousse n'oubliera pas de sitôt les deux ou trois mauvais tours que je lui ai joués, et ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas tiré vengeance des humiliations dont je l'ai abreuvé. Je ferai donc prudemment de disparaître pendant quelque temps. Et tout cela pour rendre service à un autre, s'écria Michaud, désolé. Si encore c'était pour ton propre compte. Et qui sait ? Fit Jean, le cœur toujours plein du souvenir rayonnant d'André. Peut-être ai-je plus travaillé pour mon compte que pour celui de Julien. Que signifient ces paroles ? Interrogea Michaud. Tu avais donc un intérêt quelconque à te fourrer dans cette satanée affaire ? Aucun, je vous le jure. Je le croyais, du moins, lorsque j'ai promis mon concours, mais depuis... Je vous conterai cela plus tard, père. Pour le moment, le plus pressé est de me soustraire aux poursuites de Barberousse, et pour cela, il faut que je quitte à l'instant votre hôtel. N'avez-vous pas, quelque part, un petit coin dans lequel je puisse me cacher ? Où ? Demanda Michaud. À la campagne ou à Paris ? À Paris, père. J'ai de grosses raisons pour ne pas le quitter, malgré le danger qui m'y menace. Attends donc. Fit l'ancien tailleur. J'ai dans la rue de Suresnes, près du faubourg Saint-Honoré, une méchante bicoque toute meublée qui servait jadis de petite maison au marquis de Briat. Mais le jardin est grand comme un mouchoir de poche. Les pièces en sont étroites, les meubles un peu défraîchis. N'importe, interrompit Jean avec vivacité. Je m'en empare et j'emmène mon valet de chambre. Surtout, ajouta-t-il, ne vous avisez pas de venir m'y voir. Il est évident que notre hôtel sera l'objet d'une surveillance toute spéciale, et qu'il vous sera impossible de faire un pas sans être suivi. « Comment ? Je ne pourrai même plus te voir ?» soupira tristement Michaud. « Consolez-vous, mon père, » dit Jean, très touché du chagrin que le pauvre homme ressentait. « Ce n'est pas un exil et il ne durera pas longtemps. »« Je l'espère bien, » s'écria Michaud. « Dès aujourd'hui, j'irai trouver le cardinal Fleury, et je lui dirai, « Je vous en prie, ne faites pas cela, père, ou du moins ne le faites pas encore. » N'épuisons pas le crédit du cardinal pour des choses de si peu d'importance. Nous en aurons besoin peut-être si nous réalisons le projet que j'ai formé d'acheter une compagnie. Réservons-le pour une occasion plus utile. Mais alors que faire ? Comment saurais-je si tu es encore de ce monde ? Le comte de Montbazin viendra vous tenir au courant de ce qui se passe, c'est convenu entre nous. Donc, à moins qu'un danger ne me menace, ne vous occupez pas de moi. C'est le meilleur service que vous puissiez me rendre pour le moment. Allons. Fit Michaud d'un air résigné. « Je ferai comme il te plaira, mon enfant. »« C'est cela, » dit Vif-Argent, qui l'embrassa sur les deux joues. « À présent, je me sauve. À bientôt, père. » Il monta dans son appartement, y rassembla quelques hardes et, suivi de son valet de chambre, se rendit dans la petite maison de la rue de Suresnes dont son père lui avait apporté les clés. Ce qui lui avait fait accepter cette retraite avec tant d'empressement, c'est qu'il s'y trouvait près du faubourg Saint-Honoré, à deux pas de l'hôtel de Madame de Coissy, et que tout ce qui le rapprochait d'André lui semblait comme un bienfait du ciel. La maison n'était pas grande, il est vrai, mais elle était meublée avec élégance et largement pourvue de tous les objets indispensables. Quant au jardin, s'il n'était pas en très bon état, il mesurait une étendue beaucoup plus considérable que ne l'avait dit Michaud. Long de 150 pieds au moins sur 80 de large, il se terminait par un mur très élevé, dans l'épaisseur duquel une porte avait été ménagée. Jean l'ouvrit par curiosité et reconnut qu'elle donnait sur des terrains vagues autour desquels il distingua les arbres des jardins et le toit des maisonnettes qui l'avoisinaient. « Tiens, tiens, » pensa-t-il, « par cette porte basse et sous un déguisement, peut-être y aurait-il moyen de sortir sans être vu, et de ne pas être aussi prisonnier que je le croyais. » Aussitôt il revint sur ses pas et donna à Firmin, son valet de chambre, l'ordre de n'ouvrir aucune des persiennes qui donnaient sur la rue. « Il ne faut pas laisser supposer que la maison soit habitée, » lui dit-il. « Si les voisins t'interrogent, quand tu iras aux provisions, réponds que M. Michaud t'a chargé de la garder et de l'entretenir jusqu'à ce qu'il ait pu s'en débarrasser. Tu m'as compris. » « Parfaitement, monsieur, » dit le valet de chambre. Firmin était depuis 7 ans au service de Jean. S'il avait regretté parfois, par pur amour-propre de laquais, que son maître ne fût pas gentilhomme, il était forcé de reconnaître qu'aucun de ceux qu'il avait servi jusqu'alors ne s'était montré envers lui aussi indulgent, aussi juste et aussi généreux. Il en avait conçu pour son jeune maître un attachement sincère, qui serait devenu du dévouement pour peu qu'on l'eût poussé. Vif-Argent passa à s'installer cette première journée, ce qui lui fut une véritable distraction aux préoccupations qui l'assiégeaient. Comment se terminerait l'acte de rébellion que la princesse avait commis contre le premier ministre? Aurait-elle jusqu'au bout l'énergie nécessaire pour lui résister? Et si Dubois l'emportait, que deviendraient la baronne, Valentine et André? Non, jamais il ne pourrait demeurer dans l'incertitude à laquelle il s'était condamné, ni rester enfermé dans cette étroite demeure sans nouvelles de celle qu'il aimait. En avant la porte basse et les déguisements, que risquait-il après tout? Sa liberté. Et qu'était-ce que sa liberté quand il aurait donné sa vie pour André? Le soir déjà, il ne pouvait plus tenir en place. Il donna donc l'ordre à son domestique de lui acheter le lendemain matin 3 ou 4 costumes d'ouvrier et de lui rapporter autant de perruques de couleurs différentes. Firmin se mit en quête et revint chargé d'une véritable friperie dont Vif-Argent dressa sur le champ l'inventaire. Parmi ses costumes se trouvait celui d'un garçon pâtissier, presque entièrement neuf ou du moins si blanc que Jean recula épouvanté. « Quelle diablesse d'idée t'a pris de choisir un costume aussi voyant ?» demanda-t-il. « Tout le monde se retournera dans la rue pour me regarder si j'ai le malheur de le porter. »« Pourquoi donc ?» demanda à son tour Firmin. « Est-ce que monsieur s'est jamais retourné dans la rue pour regarder un pâtissier ?»« Non, c'est vrai, » confessa Jean. « C'est justement pour cela que monsieur ne court pas plus le danger d'être reconnu sous ce déguisement que sous un autre, » répliqua Firmin. « Si pourtant monsieur le désire, rien n'est plus facile que de le changer. » « Du tout, mon ami. Ton observation est fort judicieuse, je le garde. » Quand la journée fut terminée, Jean ne put résister au désir de prendre un peu d'exercice. Il s'affubla d'un costume de forgeron, revêtit l'épais tablier de cuir, se noircit légèrement la figure et les mains, puis, vers 8 heures, lorsque les premières ombres de la nuit noyèrent dans une vague obscurité les maisons du faubourg, il ouvrit la porte basse et s'aventura dans les rues. Naturellement, ce fut vers l'hôtel de la baronne qu'il se dirigea. Ô surprise, cet hôtel qu'il croyait fermé était ouvert. À travers les fenêtres du premier étage, Jean apercevait distinctement les lumières qui l'éclairaient. Qu'est-ce que cela voulait dire? Madame de Coissy était-elle donc de retour à Paris? Que s'était-il passé? La princesse avait-elle cédé aux ordres de Dubois? Non, ce n'était pas possible. Jean connaissait trop bien le caractère altier de Mademoiselle d'Orléans pour admettre qu'elle se prêtât aux caprices d'un homme qu'elle avait si souvent écrasé de son mépris. D'ailleurs, elle avait engagé sa parole vis-à-vis de Jean et n'était point femme à y manquer. Quoi donc alors? Il n'était guère plus admissible que Madame de Coissy eût commis la faute de refuser l'hospitalité qui lui était offerte, d'abandonner Chelles pour revenir à Paris. Comment s'assurer de la vérité? Jean songea un instant à pénétrer dans l'hôtel, à se faire reconnaître. Déjà, il se dirigeait vers la porte quand, de l'autre côté de la rue, dont il sondait les profondeurs, il aperçut un visage bien connu. C'était Barberousse, blotti dans l'angle d'une porte cochère, bien reconnaissable à son épaisse encolure, à sa barbe flamboyante, en dépit du large chapeau de feutre sous lequel il essayait de dissimuler ses traits. Donc, l'hôtel de la baronne était surveillé, mais dans quel but? Le drôle en voulait-il toujours à Valentine? Non. Si madame de Coissy avait eu les mêmes dangers à redouter, elle n'aurait pas quitté le couvent. Qui donc ? Guettait alors Barberousse. Était-ce le comte de Montbazin ? Non encore. Il n'aurait pas osé mettre la main sur un officier du roi, et à moins de nouveaux ordres, il ne pouvait rien contre Julien. C'était donc probablement contre lui, Jean Michaud, que cette surveillance était organisée, puisque lui seul avait eu les honneurs d'une lettre de cachet. Or, il ne voulait pas risquer la Bastille avant de savoir si André était en sûreté. Il revint sur ses pas et rentra. « Demain soir, j'irai chez Julien, » dit-il. Sur le champ, avant de se coucher, il écrivit au comte, pour l'avertir de sa visite, un billet qu'il chargea Firmin de porter à son adresse dès la première heure. Enfin, après avoir fait panser sa blessure qu'il avait fort négligée et dont il souffrait encore un peu, il se mit au lit. Naturellement, il dormit mal. Les plus sombres pensées vinrent l'assaillir. Il ne pouvait pas fermer les yeux sans voir André se débattre dans les bras de Barberousse et l'appeler à son secours. Cet horrible cauchemar ne cessa qu'au petit jour. Vaincu par la fatigue, Jean finit alors par s'endormir et ne se réveilla qu'à une heure très avancée. Firmin était revenu depuis longtemps. Il avait remis la lettre de son maître, non pas au comte qui était absent, mais à sa mère qui l'attendait pour dîner. Une bien digne dame, ajouta Firmin, pas vieille encore, mais toute vêtue de noir, mince, pâle, et qui a le regard si triste qu'elle fait peine à voir. Monsieur doit bien la connaître, du reste. Non, dit Jean. Je sais par son fils qu'elle a eu de très gros chagrins, qu'elle est d'humeur mélancolique et ne reçoit personne, mais je ne lui ai jamais été présenté. Bien plus, comme je me suis aperçu que Julien lui-même ne parlait de sa mère qu'avec une profonde affliction, je n'ai jamais insisté pour qu'il me contât son histoire. En effet, quoique intimement lié avec le comte et bien qu'il lui rendût souvent visite, Jean ne s'était pas une fois rencontré avec madame de Montbazin et n'avait pas cru devoir provoquer les confidences de Julien. Le jeune officier était certainement très peiné de la réclusion à laquelle la comtesse s'était condamnée, car il s'en était ouvert à vif argent, et avait à plusieurs reprises manifesté la crainte que cette vie monotone n'eût sur la santé de sa mère une néfaste influence. Tout ce que Jean savait d'elle, c'est qu'elle habitait depuis plus de 20 ans un hôtel de la rue Culture Sainte-Catherine, entouré d'un fort beau jardin, dans lequel madame de Montbazin faisait très régulièrement, en hiver comme en été, une assez longue promenade. À part cette concession faite aux exigences de l'hygiène, elle ne quittait jamais son hôtel, ne faisait pas de visite et n'en recevait aucune, à l'exception de madame de Coissy. Seule, en sa qualité d'ancienne camarade de couvent, la baronne, dont l'amitié remontait à plus de 30 ans, avait le privilège de faire fléchir cette impitoyable consigne. Encore la comtesse ne lui rendait-elle pas les visites qu'elle recevait. C'est à Julien qu'elle en laissait le soin. Quant à madame de Coissy, comme elle n'ignorait rien des affreux malheurs qui avaient fondu sur son amie d'enfance, loin de se formaliser de cette abstention, elle traitait madame de Montbazin en malade et venait souvent passer avec elle une partie des longues journées que la pauvre enfant lui consacrait avec tant de plaisir. Parfois la baronne amenait ses deux filles, mais non pas aussi souvent qu'elle l'aurait voulu, tant elle avait peur de réveiller les pénibles souvenirs que la vue de ses deux enfants aurait fait naître dans le cœur de la comtesse. De son côté, Julien avait à toute heure ses grandes et petites entrées chez madame de Coissy, qui le considère absolument comme un enfant de la maison. C'est dans cette intimité de chaque jour qu'il s'était épris de Valentine, avait demandé sa main, et que la baronne, qui depuis longtemps avait deviné cet amour, s'était estimée très heureuse de resserrer les liens d'amitié qui l'unissaient à la famille de Montbazin. Sous le poids de quel deuil ou de quelles afflictions la comtesse avait-elle si lourdement courbé la tête ? Jean n'avait jamais osé le demander. Sans doute, il y avait au fond de cette douleur navrante quelques gros secrets de famille que le jeune officier ne tenait pas à divulguer. Pas plus aujourd'hui qu'hier, vif argent ne songeait à pénétrer ce mystère. Tout ce qu'il tenait à savoir, c'est comment et dans quelles conditions André se trouvait à Paris. Aussi passa-t-il cette longue journée dans une anxiété facile à comprendre. Vers 8 heures, encore et toujours par la porte du jardin, il sortit et se dirigea vers la rue Culture Sainte-Catherine. Pour l'atteindre, il avait à traverser des quartiers si sombres et si populeux qu'il ne crut pas nécessaire de prendre un déguisement. Après avoir fait un détour pour atteindre la rue Saint-Honoré, il la suivit dans toute sa longueur, longea la rue des Lombards, gagna la rue Saint-Antoine et vers 8h30 frappa à la porte de l'hôtel Montbazin. Julien était rentré fort tard. Il était à table avec sa mère et achevait son souper. « Ne le dérangez pas, » dit Jean au domestique. « Je vais l'attendre dans sa chambre. » En effet, il se rendit dans la chambre de Julien. Mais à peine avait-il pris place dans un fauteuil que le jeune officier parut. « Mon cher Jean, je suis bien fâché de te déranger, mais ma mère, à qui j'ai raconté ce matin tout ce que tu as fait pour la baronne et pour moi, a manifesté le désir de te connaître. Comme c'est la première fois depuis 22 ans qu'elle est prise d'une curiosité semblable, j'espère que tu ne te défendras pas de la satisfaire. Je suis à ses ordres, » dit Vif-Argent qui se leva docilement. Julien le conduisit alors dans la salle à manger, où, devant une table luxueusement servie et bien éclairée, la comtesse de Montbazin était assise. Jean s'inclina cérémonieusement devant la comtesse, qui donna au maître d'hôtel l'ordre d'ajouter un couvert. Vainement, il protesta qu'il avait soupé et n'avait besoin de rien. « Bon, ne fût-ce que pour nous tenir compagnie, » dit-elle. « Vous accepterez bien un biscuit et un verre de Malaga. » Il s'exécuta de bonne grâce. « Vous excuserez ma curiosité, monsieur, » reprit madame de Montbazin. « Mais depuis si longtemps j'entends parler de vous par mon fils, que vous n'êtes pas un étranger pour moi, et que j'avais le plus grand désir de faire votre connaissance. Aussi, Julien m'ayant appris ce matin au prix de quel danger vous aviez assuré son bonheur et prêté votre généreux concours à madame de Coissy, j'ai tenu, sachant que vous étiez là, à vous en exprimer ma reconnaissance. Vous êtes mille fois trop bonne, madame. Dans la situation où je me trouve, l'amitié de Julien m'est un trop grand honneur pour que je ne cherche pas à la mériter par tous les moyens en mon pouvoir. Elle m'est encore plus précieuse aujourd'hui, puisqu'elle me vaut de votre part des remerciements aussi flatteurs. » Pendant qu'il écoutait la comtesse et qu'il lui parlait, Jean n'avait cessé de l'observer. C'était une femme de 45 ans au plus, grande et mince, aux cheveux noirs et aux teint mat, à l'œil noir et très vif encore, malgré le voile de tristesse qui en ternissait l'éclat. Les traits étaient fins et distingués. L'expression du visage respirait la douceur, la taille était élégante et bien prise. Mais on lisait sur ce visage et dans l'affaissement de ce corps, drapé dans de longs vêtements de deuil, un découragement de la vie, une sorte de prostration morale, dont le temps n'avait pu triompher. Sans aucun doute, cette femme avait beaucoup souffert et souffrait encore d'une incurable douleur. De son côté, quand elle avait vu entrer Jean Michaud, portant avec tant d'aisance le fort simple mais très riche habit dont il était revêtu, elle n'avait pu se défendre d'un geste de surprise. Évidemment, ce n'est pas sous cet aspect séduisant que son imagination s'était représentée Jean Michaud. Quand il s'assit à table, en face d'elle, en pleine lumière, ce fut bien pire encore. Elle le regarda avec une telle fixité et laissa percer un si profond étonnement que Julien s'en aperçut et que Jean en fut un peu déconcerté. On aurait dit que la vue de ce jeune homme faisait naître en elle des pensées à la fois douces et attendrissantes, tant l'insistance de son regard semblait étudier dans leurs moindres détails les traits de Vif-Argent. Et plus cet examen se prolongeait, plus l'étonnement qu'elle n'avait pu maîtriser se changeait en un double croissant qu'il lui fut bientôt impossible de contenir. « Mais qu'avez-vous donc, mère ?» demanda Julien, sérieusement inquiet de l'agitation à laquelle elle était en proie. « Rien, » balbutia-t-elle. « Le visage de M. Michaud me rappelle... »« Quoi donc ?» fit Julien, très intrigué. Au lieu de lui répondre, toujours dévorant Jean de son regard que paraissait animer une flamme nouvelle. « Voulez-vous, monsieur, » dit-elle d'une voix légèrement altérée, « me permettre de vous adresser quelques questions ?»« Tant qu'il vous plaira, madame, » répondit Jean avec rondeur, bien qu'il fût surpris lui-même de ses étrangetés. « Quel âge avez-vous, monsieur ?»« 24 ans et demi, madame. »« Où êtes-vous né ?» « Mais à l'Odève, je pense, puisque c'est là que demeuraient mon père et ma mère. »« Comment, vous pensez? Vous n'en êtes donc pas sûr ?»« Ma foi, non, madame. Je n'ai jamais interrogé mon père à ce sujet. »« Alors vous n'avez jamais eu entre les mains votre acte de naissance ?»« Non, madame, je n'en ai jamais eu besoin. »« Avez-vous conservé du moins quelques souvenirs du pays dans lequel vous êtes né ?»« Pas le moindre, madame. »« Aussi loin que ma mémoire puisse remonter, j'habitais dans la rue Quincampoix la boutique que mon père y a longtemps occupée. » Il y a donc plusieurs années que votre père est à Paris. Bientôt 23 ans, madame. C'est donc en 1700 qu'il est venu s'y établir, fit vivement la comtesse. Dans les premiers jours de septembre, oui, madame. Vous avez encore votre père, m'a dit Julien, mais vous avez perdu votre mère. Vous rappelez-vous depuis combien de temps? Très exactement, madame, c'était en 1710. En effet, vous aviez déjà 11 ans passé à cette époque et vous deviez être un enfant intelligent et précoce. Avez-vous assisté votre mère à ces derniers moments ? Oui, madame. La pauvre sainte femme s'est éteinte lentement, sans secousse entre mon père et moi. Et jamais elle ne vous a fait aucune confidence ? Qui vous concerna particulièrement ? Jamais, au grand jamais, madame, répondit Jean stupéfait. Et monsieur Michaud non plus ? Demanda encore la comtesse. Mais à quel sujet, madame ? Fit Jean qui comprenait de moins en moins le sens de ce long interrogatoire. Quelle confidence mes parents avaient-ils à me faire ? Ma mère était remplie pour moi de sollicitude et de tendresse. Mon père m'adorait, même encore si aveuglément, que je lui ferais jeter demain par la fenêtre les millions qu'il a gagnés, si j'exigeais de lui ce sacrifice. Oui, vous avez raison, monsieur, dit madame de Bombazin, dont les yeux s'éteignirent, tandis que son visage reprenait insensiblement son expression ordinaire de morne tristesse. C'est moi qui divague, qui deviens folle par moments. Mais si vous saviez que de calamités ont abreuvé ma vie. Deux grosses larmes roulèrent dans ses yeux, tandis qu'un sanglot déchirait sa poitrine. Allons, mère, du courage, fit Jean en lui prenant la main. Ne pouvez-vous jamais oublier ce passé qui vous tue ? Ne prendrez-vous pas en pitié le chagrin que vous me causez quand je vous vois ressusciter les lugubres souvenirs qui vous assiègent ? Ah, que veux-tu ? S'écria-t-elle avec une explosion de sourde douleur. Est-ce ma faute à moi si ces souvenirs me harcèlent ? Pourquoi Dieu, qui de nous autres la force d'oublier ce qu'ils ont souffert, me refuse-t-il cette grâce à moi, qui ai consumé dans les larmes et la prière la plus belle moitié de mon existence ? À ces mots, elle laissa retomber sa tête sur sa poitrine. En un instant, de l'éclair qui avait brillé dans ses yeux, de la vie qu'il avait animée de le moment où Jean avait paru, il ne resta plus rien qu'un corps inerte, qu'un œil sans regard, au cil duquel perlait encore une lame de désespoir. Julien en profita pour se lever de table. « Va m'attendre dans ma chambre, » dit-il tout bas à Jean. Puis il s'avança vers la comtesse, lui prit le bras, la força doucement à le suivre et la reconduisit dans son appartement où il la laissa entre les mains de sa femme de chambre. Quelques minutes après, il vint retrouver Jean, que ce spectacle avait péniblement émotionné et qui se demandait s'il n'y avait réellement pas un peu de folie dans la scène bizarre à laquelle il venait d'assister. « À quoi ou à qui songeait la pauvre dame ? Quels regrets éternels la hantaient ? De quelle inguérissable blessure saignait ce cœur ulcéré ? C'était étrange. Il n'avait jamais vu la comtesse et lui semblait qu'il ressentait le contre-coup de la douleur dont elle pleurait, des angoisses qu'elle avait laissé deviner. Fort heureusement, Julien vint l'arracher à ses sombres pensées. Il lui raconta comment le régent, ayant pris fait et cause pour sa fille contre Dubois, avait engagé Madame de Coissy à reprendre possession de son hôtel, en lui donnant sa parole de gentilhomme qu'elle y serait à l'abri de toute surprise. « Et Barberousse ?» demanda Jean. « Sera-t-il poursuivi ?»« Il l'aurait été certainement, si Dubois ne lui avait pas donné le temps et fourni les moyens de se sauver. Il doit être loin de Paris à l'heure qu'il est. »« Eh bien, mon ami, tu te trompes. Pas plus tard qu'hier soir, je l'ai vu planter devant l'hôtel de la baronne. Donc, il en veut encore à quelqu'un, et comme il ne peut plus rien contre Madame de Coissy ni contre toi, c'est sur moi qu'il espère se venger de la disgrâce dans laquelle nous l'avons fait tomber. » Il l'instruisit alors des précautions qu'il avait prises et lui donna le numéro et la rue de la maison qu'il habitait. « Si tu as quelque chose de nouveau à m'apprendre, dit-il, écris-moi sous le couvert de Firmin. Quant à moi, je ne désespère pas de pouvoir venir te voir de temps en temps à pareille heure afin que tu puisses donner de mes nouvelles à mon pauvre père qui se lamente et a 10 fois plus peur que moi de la lettre de cachet dont Barberousse est toujours armé. Sois tranquille, promit le comte. « Dans aucun cas, ta captivité ne saurait être de longue durée. Dubois est gravement malade, assure-t-on, et le mal dont il est atteint est de ceux qui ne pardonnent guère. Or, c'est de lui seul que nous aurions quelque chose à craindre s'il recouvrait la santé. Je te tiendrai donc au courant des phases de sa maladie. » À ces mots, ils se séparèrent. Jean rentra chez lui sans encombre et se soumit assez patiemment d'abord à la réclusion qui s'imposait. Mais au bout de 8 grands jours, incapable de tenir en place, il s'en alla, le soir venu, rôder sous un déguisement devant l'hôtel du faubourg Saint-Honoré. Il ne comptait assurément pas voir André, mais se rapprocher d'elle était pour lui une jouissance dont il ne pouvait pas se passer plus longtemps. C'était dans les premiers jours de juillet, et par une si admirable soirée que de loin, Jean aperçut toutes grandes ouvertes les fenêtres de l'hôtel. Il s'avança, mais avec précaution, s'imaginant toujours voir surgir de quelque coin obscur l'épaisse silhouette de Barbarousse. Très heureusement, l'aventurier n'était pas là. Jean s'approcha de l'hôtel et vit distinctement à la fenêtre la baronne et ses filles en compagnie de Julien. Sous le déguisement dont il était affublé, il lui était impossible de se faire reconnaître du dehors à par ailleurs. Il allait donc traverser le faubourg et pénétrer dans l'hôtel, lorsqu'un homme d'assez mauvaise mine qu'il observait depuis quelques instants le frôla en passant et le regarda avec tant d'attention que Jean s'arrêta court. Mis en défiance à son tour, il observa cet homme, le vit se planter à quelques pas dans l'angle d'une porte et se croiser les bras. Pensa-t-il, voilà qui sent d'une lieue son Barbarousse. Bien sûr, si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un des siens. Pour s'en assurer, il erra quelques instants de droite à gauche, toujours suivi à la même distance par ce mystérieux personnage. Il ne pouvait plus en douter, cet agent l'avait reconnu, le guettait et ne le quitterait plus avant de savoir où il demeurait. « Attends, je vais te donner l'occupation, » pensa Jean. Aussitôt, tournant brusquement l'angle de la rue voisine, il se mit à fuir à toutes jambes dans une direction opposée au chemin qu'il aurait dû prendre. Quand l'agent arriva au coin de la rue, Jean avait sur lui plus de 300 pas d'avance. De rue en rue, de détour en détour, il le fit courir ainsi pendant un gros quart d'heure, jusqu'à ce que le malheureux épuisé se vit contraint de renoncer à le poursuivre. Jean put alors rentrer tranquillement chez lui. N'importe. S'il avait échappé à ce limier, la surveillance dont il était l'objet lui prouva que Barbarousse n'avait pas désarmé. Pour comble d'infortune, il reçut de Julien le lendemain matin une lettre alarmante dans laquelle celui-ci lui donnait des nouvelles de Michaud et du Premier ministre. « Ton absence, écrivait-il, cause à ton père un chagrin que j'ai grand-peine à calmer. J'ai cependant fini par lui faire comprendre hier que tu devais plus que jamais éviter de te laisser prendre. En effet, Dubois a fait transporter la cour de Versailles à Meudon, afin d'être plus à portée des secours dont il a besoin. Le bruit court qu'il va mieux, et qu'il doit assister dans 12 jours à la grande revue que notre jeune roi, dont la majorité approche, doit passer de sa maison. Est-il réellement en voie de convalescence? Le vieux renard n'entend-il que donner le change au bruit fâcheux que l'on fait courir sur sa santé? C'est ce que je te ferai savoir avant peu. Pour le moment, reste quoi? Et pas d'imprudence. Tous ceux qui s'intéressent à toi vont bien et te plaignent de tout leur cœur. J'ai même cru remarquer qu'André... Mais non, je me suis peut-être trompé. Il vaut mieux n'en pas parler. » Cette maudite lettre, qui recommandait à Jean la prudence, se terminait par une phrase qui n'était pas faite pour lui faire observer d'aussi sages recommandations. Qu'avait donc remarqué Julien? Est-ce qu'André avait laissé échapper quelques paroles inconséquentes? La baronne n'avait-elle deviné l'amour que Jean ressentait pour sa fille? En avait-elle montré du ressentiment? Allait-il perdre celle qu'il aimait? Le soir même, il résolut d'éclaircir ce doute affreux. Il se rendit à l'hôtel de Montbazin, mais il lui fut répondu que le comte venait de prendre son service aujourd'hui même et ne reparaîtrait pas de 8 jours à l'hôtel. Jean s'en retourna, très perplexe, et comme la nuit était déjà très avancée, il ne voulut point passer si près de son père sans l'embrasser. En effet, de la rue Culture-Sainte-Catherine à la rue Saint-Paul, il n'y avait qu'un pas. Il le franchit rapidement, pénétra dans l'appartement de Michaud, et ne fut pas médiocrement surpris du changement qui s'était opéré sur les traits et dans l'attitude du robuste vieillard. Quand se fut apaisée l'effusion de tendresse que cette visite inattendue causait à son père, Jean, de sa voix la plus caressante, lui demanda s'il avait été malade. « Malade, non, » répondit évasivement Michaud. « Mais c'est plus fort que moi. Depuis de si longues années, je suis habitué à ta présence que je ne puis plus vivre sans toi. À chaque instant, il me semble que l'on va m'annoncer un malheur. Et quel malheur plus grand pourrait m'atteindre à mon âge que de te perdre, mon cher enfant ?» Jean lui promit de n'agir qu'avec une extrême circonspection et parvint, non sans peine, à calmer les inquiétudes de son père. Pour faire diversion à son chagrin, il lui conta la visite qu'il avait faite à Madame de Montbazin. Et lui fit part en riant des questions bizarres qu'elle lui avait adressées. Bien loin de partager cette hilarité, Michaud paraissait souffrir davantage, car il était devenu tout pâle.